Et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginant et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 28 janvier 2013 déjà. Le mois de janvier qui s'en retourne, alors voilà, eh bien... Toujours un plaisir de vous retrouver à chaque semaine et à cette émission où on vous livre les informations les plus importantes de la semaine. En fait, on essaie de faire le tour des nouvelles qui sont les plus importantes. Ça prendrait des heures et des heures d'émission, mais écoutez, on va essayer de vous rapporter l'essentiel et puis pour le reste, ben, on va essayer de couvrir ça autant qu'on peut. Donc, il y a évidemment énormément de choses qui se passent en même temps, donc c'est évidemment très difficile de tout suivre, mais bon, on va quand même ici là, vous livrer, comme je vous dis à chaque semaine, les informations les plus importantes et faire des suivis de dossiers. Donc, on commence des informations une certaine semaine et puis on poursuit, on continue de bâtir sur ce qu'on a fait les semaines et les mois précédents. Donc, ça a tout le temps été un peu le format ici sur L'Autre Monde et puis d'ailleurs, on va faire un suivi cette semaine sur la situation de l'économie. Qui est un peu relié avec ce qui se passe au Mali, hein. On avait parlé la semaine passée, donc ça c'est important de faire un suivi de cette situation. Donc on va toucher à ça cette semaine. On parle un peu du réchauffement climatique aussi. Ça c'est un dossier particulier qu'on traite régulièrement sur L'Autre Monde, mais ça faisait quand même un bon moment qu'on l'avait pas fait. Alors je vais vous donner quelques petites nouvelles à ce sujet. On va faire aussi le tour finalement des 25 nouvelles les plus censurées de l'année 2012. Ça fait quelques émissions, j'en parle, donc on va le faire finalement. Et puis après ça, ben écoutez, excusez-moi. Alors on va après ça toucher à d'autres trucs comme bon les produits génétiquement modifiés, donc les OGM, ça serait un sujet sur lequel j'ai plusieurs informations à vous livrer. On va voir ce qu'on a le temps de faire, évidemment, dans le cadre de l'émission. On va faire un petit aussi retour sur la situation à Fukushima. Donc, ça, c'est aussi un dossier que je suis très régulièrement avec vous, puisque les médias ont décidé de faire en sorte que ce truc-là n'existait même plus. Donc, les gens... même ont l'impression qu'il ne s'est absolument rien passé là-bas, alors qu'on est en pleine catastrophe nucléaire depuis plus d'un an maintenant là-bas. Et il y a des nouvelles qui sont sorties récemment, que j'ai vues cette semaine, où on montre maintenant les cartes qui sont établies, où on voit le xénon et puis les dépôts de césium radioactif qui s'est échappé là. En fait, des retombées... des particules radioactives là, de cette catastrophe à Fukushima Daiichi au Japon. Alors, écoutez, ils en est déposé à la grandeur de la planète, là, tout l'hémisphère nord et même jusqu'à l'équateur, là, on a des dépôts importants un peu partout. Alors, quand on regarde les cartes, là, on s'aperçoit que finalement, il y a juste les pays de l'hémisphère sud qui ont été moins touchés. Alors, Puis ces trucs-là sont invisibles, évidemment, fait qu'on s'en rend pas compte, on les voit pas, mais ils sont partout disséminés dans la nature, au sol, dans la chaîne alimentaire. Et puis, ben comme je vous avais parlé il y a quelques semaines, les effets commencent à se faire sentir, particulièrement au Japon, parce qu'évidemment, ils sont très proches du sinistre, mais on voit déjà des répercussions dans la santé des gens, et puis des enfants, et puis de l'environnement et des animaux. Donc, eh oui, ça commence déjà, des problèmes de santé, mortalité, déformation congénitale, ainsi de suite. Donc, on va parler de ça, des informations sur les vaccins. Beaucoup d'informations qui sortent et puis qui réellement méritent la peine d'être discutées en ondes. Et puis aussi, plusieurs informations par rapport aux antidépresseurs et puis un peu liées à ça, cette histoire de Sandy Hook aux États-Unis, là où on a eu la tuerie, là. Donc, il y avait des informations à vous révéler là-dessus aussi qui seraient bien importantes. Donc, comme vous voyez, chaque semaine, on en a énormément. Et puis, ben écoutez, pour terminer, on a des informations sur l'état policier, là. Écoutez, la tyrannie qui est en train de s'installer, Big Brother, Nouvel Ordre Mondial, un peu partout. Et puis, la dérive vers la tyrannie qui est en train de se produire aux États-Unis sous le leader tout-puissant qu'est Obama. Alors, quand même assez particulier. Et puis, relié un peu avec l'affaire des... bon, de Sandy Hook et puis tout ça, des tueries dans les écoles un peu partout aux États-Unis. Il y a l'histoire des antidépresseurs et puis aussi, bon, on profite de ces événements-là aussi au niveau du gouvernement et puis de l'élite pour essayer de finalement mettre le grappin sur les armes et puis le second amendement de la Constitution des États-Unis qui finalement... donne le droit à tous les Américains du port d'armes et puis de posséder des armes. Alors, on veut complètement bannir les armes aux États-Unis puis désarmer la population. Donc, plusieurs informations assez troublantes à ce sujet-là et puis quelques nouvelles du Moyen-Orient, Irak, Israël, Palestine, Afghanistan et quelques trucs du genre. Donc, vous voyez, un programme bien rempli. Alors, bienvenue à l'autre monde. C'est tout le temps un plaisir d'être avec vous à chaque semaine. Alors, on va sauter à pieds joints. Écoutez, on va commencer avec une petite revue de ce qui s'est passé à Fukushima dernièrement. J'avais 4 semaines à couvrir avec vous, donc des nouvelles d'à peu près un mois, ça vous donnait une idée de ce qui s'est passé là à partir de la fin de décembre jusqu'à la fin janvier où on se trouve en ce moment. Un petit topo là, de la situation là-bas. Donc, on va commencer avec bon les nouvelles datant le plus. Donc, on va retourner vers la fin décembre, en fait, les nouvelles du 31 décembre, juste avant qu'on tourne la nouvelle année. Alors, ici, écoutez, ça, c'est un article. Là, je vais vous les mettre en lien aussi cette semaine. Vous avez vu, j'ai mis en ligne toutes les informations des dernières semaines aussi. Là, donc, c'est tout sur le site Les Nouvelles Internationales. Ne manquez pas ces nouvelles-là. Et puis, à ce moment-là, toutes les informations dont je parle ici là sont documentées puis se retrouvent sur le site. Là, j'essaie de mettre le plus d'infos possible là, pour vous, pour faciliter vos recherches. Des fois, je fais des références à des informations dont on a traité dans le passé, donc je n'y remets pas toutes à chaque semaine, mais du moins toutes les nouvelles dont je vous parle ici à chaque semaine s'y retrouvent en tout cas. Donc, bon, 31 décembre 2012, on apprenait dans cette nouvelle ici, c'est une analyse des radionucléides qui ont été relâchés de Fukushima Daiichi, en fait de la station de production d'électricité nucléaire, et puis ça, c'est la source, c'est Pure and Applied Geophysics, et puis on a, dans ce rapport-là, en fait, dans cette analyse-là, c'est un peu à ce à quoi je faisais référence en introduction de l'émission. On s'aperçoit que tout l'hémisphère nord a été couvert de produits de fission radioactifs après l'événement là, du mois de mars 2011. Alors, écoutez, c'est une étude là, qui mesure les impacts des radioxénons qui ont été relâchés là, de Fukushima à travers le monde. Et puis là, on parle du xénon 133. Et puis, on s'est aperçu que, écoutez, il y en avait tombé partout. Vous allez voir une carte assez fantastique. Là, j'ai mis en surligné jaune là les informations les plus importantes que je vous parle à propos de Fukushima. Donc, vous allez voir beaucoup de titres de nouvelles, mais ceux qui sont en surligné jaune, là, en surbrillance, là, vous allez voir que ça, c'est les titres dont je vous parle ici là durant l'émission. Donc, vous avez toute l'analyse sous un lien, c'est écrit « Full analysis in here ». Et puis là, vous allez trouver cette carte mondiale là, en fait des dépôts de Xénon 133 suite au mois de mars, du 31 mars 2011, et puis après ça, celle du 10 mai 2011. Vous avez deux cartes, là, vous allez voir là, des dépôts assez importants à travers tout l'hémisphère nord. Ensuite, Arne Gunderson, cet ingénieur nucléaire très important aux États-Unis, qui nous informe, en fait, c'est un des seuls qui ose nous informer de la situation, réellement nous parler en langage très clair, ce qui se passe dans ce domaine assez pointu. Lui nous révèle que les niveaux de contamination qui seraient considérés comme étant des déchets radioactifs aux États-Unis, se retrouve un peu partout dans les rues de Tokyo lorsqu'il a visité la place. Alors, il a pris évidemment des mesures et puis il a même trouvé dans une rivière Niigata des sédiments qui sont remplis en fait là, de radiation. Et puis ben là, vous avez toutes les informations aussi là. Ça a été le 1er janvier 2013, publié le 1er janvier 2013. Ensuite, vous avez le 2 janvier 2013, un rapport qui cite que la Turquie a commencé à tester toute la nourriture qui est en provenance du Japon pour les radiations. Alors, on suspecte que les importations sont contaminées. Alors, vous voyez les pays qui commencent à resserrer aussi leur standard, là, parce qu'on sait que bon, on a un grave problème de radioactivité au Japon. Ensuite, ici, une vidéo qui montre, c'est le 2 janvier encore, le Japon qui voit sa plus large population baisse, en fait, de population jamais enregistrée. Alors, voilà des informations quand même un peu inquiétantes. Une autre analyse ici de comment le corium a pénétré sous les réacteurs de Fukushima, donc à quel point. Alors, on a des images ici, puis une analyse complète. Alors, on voit que on assume que tout le combustible qui est en fusion, en fait, est tombé sous, en fait, a fui son vaisseau de contenance, là, si on veut, là, le vaisseau, j'ai oublié le nom exact, là, mais en fait, le cœur du réacteur, là, c'est un genre de grand contenant étanche, et puis ce truc-là a fondu à travers le fond dans l'unité 1. Alors, se retrouve finalement dans les sous-sols du bâtiment. Donc, vous voyez qu'on a carrément maintenant du corium hautement radioactif, là, donc le cœur du réacteur qui est entré en fusion, qui est maintenant à l'air libre, est en train de rentrer dans le sol et puis contaminer la nappe phréatique et l'océan qui est juste à côté. Une autre étude ici où on retrouve du césium radioactif dans 25 des 26 échantillons qu'on a pris de nourriture dans les préfectures de Fukushima. Une nouvelle publiée le 3 janvier 2013. Ensuite, on a ici un autre titre du 3 janvier qui nous parle d'une nouvelle loi qui a été mise en place au Japon pour forcer les magasins à vendre des produits en provenance de Fukushima. Alors, écoutez, le titre finit avec un point d'interrogation, donc est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Je pense qu'ils sont sur le point de le faire. En tout cas, l'idée est qu'ils y pensent. Alors, vous voyez à quel point on est rendu au niveau de la considération de la santé des êtres humains. Ensuite, un journal ici qui rapporte le 4 janvier 2013 que des travailleurs ont versé des déchets radioactifs de Fukushima dans des rivières. Alors, on a des photos ici, plusieurs nouvelles qui rapportent ça. Alors, on se débarrasse, on sait même pas quoi faire avec ça, donc on se débarrasse carrément des déchets radioactifs un peu partout dans la nature. Et puis, une autre nouvelle ici publiée le 5 janvier, cette fois, où on parle des niveaux de radiation qui sont à la hausse sur la centrale de Fukushima. Il n'y a pas de solution à l'eau qui est contaminée. On a des centaines de tonnes de ces eaux qui coulent à l'intérieur des réacteurs qui sont dans ces bâtiments-là à chaque jour et puis qui fuient un peu partout dans la nature. Alors, vous voyez des nouvelles quand même, somme toute, pas pour vous épeurer, là, mais quand même assez troublant. Là. Alors, mais dans les nouvelles, on prétend qu'il se passe absolument rien. Donc, c'est encore probablement même plus troublant que ce qui se passe là-bas. Ensuite, une nouvelle publiée le 10 janvier 2013. Cette fois, on parle d'une première fois, on a trouvé du riz radioactif qui dépassait plus du double des limites que le gouvernement fixe pour le césium, qui a été trouvé à l'extérieur de la préfecture de Fukushima. Donc, vous voyez que là, on s'aperçoit que la contamination s'étend et puis qui laisse présager que réellement, on va avoir vraiment des zones contaminées, des zones mortes, des zones défendues toute population. Ça devrait être comme ça, alors que le gouvernement japonais et puis TEPCO laissent vivre ces gens-là dans des zones hautement contaminées. Et puis, vous allez voir des conséquences dans les prochaines années de ces décisions qui sont complètement débiles. Ensuite, on a le 11 janvier 2013, Asahi, c'est un média japonais où on parle ici du taux de mortalité qui atteint des sommets parmi les gens âgés évacués de Fukushima. Alors, vous voyez, les effets commencent déjà à se faire sentir après un petit peu plus d'un an. Ensuite, un expert légal ici qui parle de trois policiers qui sont morts de leucémie. Une leucémie très, très pointue après avoir été envoyée à Fukushima à l'intérieur de 50 km de la centrale nucléaire. Ensuite, un autre article le 12 janvier où on fait état de césium à quantité de plus de 1 million de becquerels par kilogramme proche de la centrale de Fukushima, ce qui est 10 fois plus haut que la plus haute mesure qui avait été faite avant cette étude. Alors imaginez, on s'aperçoit que c'était déjà grave et puis que là, on prend des nouvelles mesures puis qu'on s'aperçoit que c'était 10 fois pire que ce qu'on pensait. À part de ça, tout va bien, chers auditeurs, pour ça, tout va bien. Hein? Mais on pense pas que c'est vraiment assez important pour vous en parler dans les médias, donc on vous parle d'autre chose. Hein? Alors, ensuite, une autre nouvelle ici assez inquiétante, où on parle le 14 janvier 2013 dans les médias de Asahi encore, que une ville presque entière de 300 000 personnes ont des niveaux de radiation assez élevés pour être décontaminés par le gouvernement. Alors imaginez. Donc la population, des centaines de milliers, c'est pas des millions de personnes qui ont été contaminées au Japon, et puis on les a simplement laissés depuis le début à eux-mêmes. On laisse les enfants marcher dans les rues, dans les cours d'école, dans les terrains vagues, les parcs où on mesure des taux de radiation qui dépassent les limites de tous les pays du monde. C'est pas plus compliqué. Mais on prétend que rien qui est grave qui se passe. Et puis, vu que c'est invisible, incolore, inodore, ben on laisse simplement les enfants jouer là-dedans, la population au complet. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, on parle le 16 janvier de sources de neutrons qui ont été trouvées à 1 mille, donc 1,6 km de la centrale de Fukushima après le mois de mars 2011. On dit que il y aurait du combustible qui aurait pu être éjecté à partir de cette fameuse piscine qui contient des déchets usagés, en fait des déchets radioactifs qui ont été utilisés dans la centrale au fil des années. Cette fameuse piscine qui se trouve dans le bâtiment numéro 4, l'unité numéro 4. Alors, Gunderson en parle, Arne Gunderson qui parle de la découverte de cette source de neutrons qui sont hors du site, signifie que finalement le combustible de l'unité 3 a été brisé par la détonation qui s'est produite dans cette unité-là. Et puis lui, il avait déclaré ça il y a plus de 18 mois. Et puis maintenant, il apparaît que la NRC aux États-Unis, qui est l'agence là, qui réglemente le secteur nucléaire civil, soit maintenant d'accord avec cette affirmation. Donc on a eu une détonation là-bas, donc probablement une explosion nucléaire qui s'est passée dans l'unité 3. Et puis on l'a caché encore jusqu'à aujourd'hui réellement de façon très claire. Là. AFP qui nous rapporte qu'on a des radiations records qui ont été mesurées dans des poissons proches de Fukushima qui dépassaient 2500 fois les limites de césium. 2500 fois, vous avez bien compris. 19 janvier, on parle encore de poissons avec du césium proche des limites du gouvernement qui ont été pêchés à plus de centaines de kilomètres de Fukushima. Alors, voyez que il y a une grande région, en fait, une grande partie de l'océan Pacifique maintenant qui est contaminée, très contaminée. Et puis, on parle contaminée par des radionucléides, des trucs radioactifs, des déchets, des isotopes radioactifs. Et c'est susceptible, évidemment, de se propager à travers toute la chaîne alimentaire. Donc, réellement, chers auditeurs, faites donc attention avant d'acheter des produits de la mer qui proviennent du Pacifique. Moi, depuis, en tout cas, cet incident, je m'abstiens. Alors, vous de voir et puis de prendre votre propre décision. Donc, ensuite, on parle ici du le 19 janvier, une nouvelle radio ici, passée sur un programme de radio où on parle qu'on a des éléments radioactifs qui, de façon continue, sont envoyés, sont relâchés dans le Pacifique. Donc, c'est exactement ce dont je vous parle. Ça, c'est Mme Caldicott qui en parle, là, et que cet accident de Fukushima ne va jamais se terminer, et puis qu'on n'a absolument aucune idée comment le nettoyer. Donc, c'est effectivement le cas, c'est tel quel. Et on va terminer avec la dernière semaine qui vient de se terminer par rapport à Fukushima, où on rapporte ici le 22 janvier dans un rapport que les niveaux de radioactivité sont à la hausse à l'unité numéro 2 de Fukushima, et que ceci est un phénomène qui se poursuit depuis le mois de novembre. Alors, vous voyez que la situation est loin de s'améliorer, là. Et puis ensuite, le 24 janvier, deux nouvelles importantes qui ont été publiées. La première, ça provient d'une station de télévision où on parle que les niveaux de radiation ont presque doublé dans les échantillons de terre à Fukushima sur une période des 5 derniers mois. Alors, on a une vidéo à aller voir. Et puis ensuite, c'est TEPCO qui déclare dans les médias qu'il se prépare, il planifie vider de l'eau, en fait, larguer tout simplement de l'eau contaminée, radioactive de la centrale de Fukushima dans l'océan Pacifique. Alors, de toute façon, ils le font déjà tous les jours et il y a des fuites, mais là, ils vous l'annoncent ouvertement comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Préparez-vous, ça va se passer. Donc, continuez à manger des produits de la mer du Pacifique, ça va être excellent. Ensuite, le 25 janvier, ben, on a ici une nouvelle qui nous parle, ça vient de Chemistry World et de l'auteur Rebecca Brody. Et puis, ça a été publié, comme je disais, le 25 janvier 2013, où on parle ici des effets sur la santé de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Et puis là, on parle évidemment d'inquiétudes très sérieuses sur les conséquences sur la santé à long terme par rapport aux de ce qui va découler de ce désastre de Fukushima. Et dans cette nouvelle étude, on a mesuré 8 fois plus de mortalité par le cancer que ce qui avait été prédit. C'est une étude très importante à aller voir pour vous. Vous avez ici toute l'étude qui est publiée, Read the Studies Abstract Here. Alors, vous avez les informations essentielles pour vous. Ensuite, on parle ici de la rivière de la mort, des détecteurs de radiation qui vont au-dessus de la limite dans la ville de Fukushima, plus de 430 000 becquerels par kilogramme de césium. Vous avez une vidéo. Et un avocat ici, le 25 janvier toujours, où on parle d'anormalité de la thyroïde dans 55% des jeunes filles de Fukushima qui ont été testées entre l'âge de 11 et 15 ans. Une vidéo aussi à l'appui de ces informations. Alors voilà ce qui fait le tour de ce fameux dossier de Fukushima, chers auditeurs. On va y aller avec brièvement les nouvelles. Après ça, on va attaquer les 25 nouvelles les plus censurées là, en 2012 là, par les grands médias corporatifs. Là, mais j'avais deux petites nouvelles là, pour faire un autre suivi sur ça. Le fameux désastre là, de BP là, puis du Deep Water Horizon là, dans le golfe du Mexique. Vous vous rappelez là, cette catastrophe pétrolière là, où on a eu des millions de litres de pétrole et de méthane relâché dans le golfe du Mexique. Et bien là, on a ici des vidéos qui viennent du dessous de l'océan. En fait, là, on voit sous l'eau et puis on peut voir le site du désastre du Deepwater Horizon de BP. Et on voit que les officiels sont encore en train d'essayer d'identifier ce qu'on voit dans ces vidéos. On voit des petites gouttes blanchâtre là, partout dans l'eau, et puis on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes qui continuent de se passer là-bas. Donc, comme je vous disais, depuis bien longtemps, on est loin d'avoir réglé ce problème-là. Ça a été tout un montage visuel, un spectacle visuel de la fumée, un écran de fumée qu'on nous a monté et préparé, puis présenté à la télévision dans les grands médias quand on nous a supposément montré le calfeutrage, le colmatage du supposé puits de BP, alors qu'il y en avait deux autres et que c'était finalement le mauvais puits qu'on nous avait montré à la télévision pour nous faire croire qu'on l'avait colmaté alors qu'on n'avait aucune solution pour le faire. Et puis évidemment, ben des nouvelles qui attestent de ça, c'est comme la prochaine où on apprend que des plages sont couvertes de pétrole de BP quelques heures après avoir été nettoyées. Donc, ça, vous avez des images à la télévision. Et puis, c'est assez spécial de voir comment rapidement les choses peuvent changer. Vous avez des vidéos et des photos à l'appui. Donc, vous avez des équipes comme ça de nettoyage qui arrivent sur les plages. On nettoie la plage, on essaie d'enlever le pétrole qui se répand encore. Imaginez, on est en 2013, là, hein? C'est censé être terminé cette histoire-là. On a encore du pétrole qui se ramasse un peu partout. Et puis, on le nettoie. Et puis, quelques heures après, le pétrole est encore là, revient rapidement. Donc, allez donc parler d'une situation qui est terminée. C'est un peu comme Fukushima, on l'ignore, on n'en parle plus. Fait que dans la tête des gens, c'est comme ça n'existait plus, c'est terminé. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc sur ce, on prend une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après avec les 25 nouvelles les plus censurées de l'année 2012. De retour à l'autre monde, chers auditeurs. Alors, attachez votre sucre maintenant, comme on dit ici au Québec. On va parler des 25 histoires de 2012 qui ont été sujettes à la censure des grands médias corporatifs. Alors, vous allez trouver évidemment là-dedans plusieurs des nouvelles les plus importantes aussi de l'année 2012. Un genre de petite revue de ce qui s'est passé et que vous auriez dû entendre parler et que, en fait, si vous avez suivi seulement que les grands médias corporatifs, vous n'aurez jamais entendu parler. Donc, c'est un peu ça qui est toute l'histoire un peu de la présence de l'autre monde, c'est de vous rapporter justement ces nouvelles qui sont, dans le fond, très cruciales et puis que les grands médias vous refusent de vous informer à propos de... Donc, vous comprenez que c'est très important de se tourner vers ça. Et puis, écoutez, chers auditeurs, je vais poster sur les nouvelles internationales, comme je disais, comme je fais à chaque semaine, cette liste des 25 nouvelles. Je parlerai peut-être pas au complet des 25, là, mais en tout cas, vous allez voir que la plupart sont importantes et vous allez retrouver tous les liens nécessaires, là, comme d'habitude, là, sur les nouvelles internationales, qui est le blog officiel là, que je tiens là, et qui diffuse aussi toutes les informations et les émissions de l'autre monde. Donc, voilà. Les 25 histoires les plus censurées. Alors, première, les signes d'un état policier qui émerge. Alors, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez une des choses les plus inquiétantes qui s'est passée encore là depuis, je dirais, toute l'histoire des États-Unis, c'est ce que Bush a fait, a commencé en mettant en place tout l'appareil policier tyrannique des États-Unis, on parle ici d'interrogation et des techniques de torture, ainsi de suite, de surveillance de la population américaine, on infiltre les groupes, ainsi de suite, on s'est donné le droit de même assassiner, faire des assassinats, si vous voulez, extrajudiciaires dans les pays étrangers. Alors, vous avez toute cette histoire des drones aussi qu'on utilise. Alors, ces fameux avions pilotés à distance, et puis on largue des bombes, on tue en général, dans 90% des cas, des civils, des innocents, des gens qui ont rien fait. Le président Barack Obama, qui est responsable lui-même de la mort des familles entières, des enfants, il a ordonné, il a autorisé l'utilisation de ces drones et puis de larguer des bombes. Et puis, écoutez, c'est tombé dessus des maisons de gens qui n'avaient rien à faire. Ils n'étaient pas des terroristes, ils étaient des gens complètement innocents, des civils qui habitaient là, tout simplement. Alors, là, vous avez le président Obama qui a signé en 2012 ce qu'on appelle la NDAA, qui inclut une clause permettant la détention indéfinie sans procès, hein? Alors de suspects, des gens qui sont suspectés de terrorisme. Alors voyez tous les mots les plus importants là. Écoutez, il y a personne qui a été prouvé comme étant des terroristes. Il y a aucune preuve. Ces gens-là n'ont aucun droit de se défendre, quoi que ce soit. Ils ne savent même pas de quoi ils sont accusés. Ils sont détenus de façon indéfinie, sans aucun contact, sans aucun recours légal. Alors imaginez vraiment le. C'est ça, les États-Unis d'aujourd'hui. C'est complètement incroyable. Puis là, il a même déclaré dans son élocution, parce qu'il a remporté pour un deuxième terme les élections aux États-Unis au mois de novembre. Et puis, il vient de faire son fameux discours là, d'investiture. Il a déclaré que, il se permettait, et puis il a même mis en place des ordres exécutifs présidentiels pour se permettre, en fait, permettre aux États-Unis, à l'appareil de la CIA, du Pentagone, et puis du Homeland Security, ainsi de suite, du gouvernement américain, permettre la détention indéfinie de suspects. Alors, de façon indéfinie, ça veut dire qu'ils peuvent suspecter quelqu'un, peu importe là, leur raison, réelle ou irréelle, de quoi que ce soit, en fait, sans aucune preuve, arrêter quelqu'un, l'enlever, peu importe par qui soit à travers la planète, leur rentrer dans une prison secrète, une des prisons secrètes du réseau des prisons secrètes américaines dans le monde, ou à Guantanamo, par exemple, et puis le détenir sans recours légal, de façon indéfinie. C'est complètement capoté. Alors, vous avez des nouvelles à propos de ça. Ensuite, vous avez un autre où on parle ici des mortalités américaines de Fukushima qui n'ont pas été rapportées. Alors, vous avez l'Agence de protection environnementale des États-Unis qui a trouvé des niveaux de radiation dans l'air, dans l'eau et puis dans le lait qui étaient des centaines de fois plus hautes que la normale à travers les États-Unis. Et puis, un mois plus tard, l'EPA a annoncé que les niveaux de radiation avaient descendu et puis qu'il était pour cesser de prendre ces mesures, de tester. Alors, imaginez, c'est incroyable. Et puis, après avoir fait une requête pour l'accès à la libre information, le journaliste Luca Hickson a publié des courriels qui révélaient que le 24 mars 2011, la tâche de collecter ces données nucléaires avait été finalement donnée de la Commission de régulation nucléaire des États-Unis à l'Institut de l'énergie nucléaire, qui se trouve à être finalement un groupe de lobbying de l'industrie nucléaire. Alors, imaginez. C'est évident qu'eux autres n'étaient pas pour révéler que les taux de radiation plafonnaient un peu partout dans le lait et dans la chaîne alimentaire aux États-Unis. Hein? C'était un groupe de lobby pour l'industrie nucléaire. Alors, la Commission de régulation nucléaire des États-Unis, qui est en fait le gouvernement, a donné finalement le mandat de mesurer ces retombées radioactives de Fukushima aux États-Unis à un groupe de lobbying de l'industrie nucléaire. Pensez à ça deux secondes. OK? Donc, il se trouve qu'en réalité, vous avez des scientifiques dont Joseph Mangano et puis Janet Sherman qui ont trouvé que dans la période suivant la fusion des cœurs de Fukushima, 14 000 mortalités, 14 000 décès de plus que la normale ont été rapportés aux États-Unis, particulièrement à travers la population des enfants. Alors, imaginez. Alors, vous avez toutes ces données-là qui ont été publiées. Vous avez recours aux sources ici. L'International Journal of Health Services qui a été publié le 19 décembre 2011. Et puis, vous avez d'autres nouvelles aussi qui parlent de ça. Donc, bon. Ensuite, vous avez des informateurs du FBI qui, ici, dans cette autre nouvelle qui a été très censurée en 2012, ont finalement exécuté des plans terroristes sous la direction du FBI. Alors, on apprend dans cet article ici que on a plusieurs agents du FBI qui sont allés dans les communautés comme des mosquées, puis d'autres groupes, ainsi de suite. Alors, vous avez des policiers qui sont en couvert et puis qui prennent place, finalement, se font avec les individus de ces différents groupes. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on dit que les agents du FBI, maintenant, essayent de trouver des terroristes. Alors, on essaie de participer dans toutes sortes de groupes comme ça, et puis on se fond à eux, on les infiltre, et puis après ça, on apprend que depuis le 2011, le 11 septembre 2011, vous vous rappelez là, de ces événements à New York, là, on a eu plus de 508 cas de... En fait, c'est 508 cas classifiés d'événements reliés au terrorisme qui sont venus aux portes, en fait, dans les mains du département de la justice américaine. Alors, c'est passé dans les cours ou quel que soit, et depuis le 11 septembre 2001. Et puis, dans 253 de ces cas, alors imaginez, là, on répète les chiffres, là, 508 cas d'événements reliés au terrorisme ont été répertoriés par le département de justice américaine. Et puis, de ces 508 cas, 243 de ces cas avaient un informateur qui était impliqué du FBI. Et puis, dans 49 de ces cas, en fait, on a même plus que ça, on a un informateur qui menait, gérait, dirigeait l'événement terrorisme. Alors, peu importe ce qui était comploté, était dirigé carrément par l'informateur du FBI. Alors, imaginez, c'est quand même assez incroyable. Donc, si vous cherchez qui sont responsables de la plupart des événements terroristes ou des scénarios, des attentats terroristes qui sont planifiés, vous allez voir que la plupart le sont par les services secrets et des services policiers comme le FBI. Alors, quand même assez incroyable. Ensuite, on apprend ainsi que la Fed aux États-Unis, la Banque centrale, la Fed, la Federal Reserve, a de façon secrète prêté plus d'un trillion de dollars, alors 1000 milliards de dollars à des banques majeures aux États-Unis. Et puis, on apprend que ces prêts ont été, en fait, presque sans intérêt, et puis avec des conditions bien moindres que les plans de sauvetage qui ont été alloués. Alors, une autre nouvelle ici, on apprend qu'un petit réseau de méga corporation, en fait, mène l'économie globale. Alors, c'est une étude très importante par des chercheurs de l'Institut fédéral suisse à Zurich qui a enregistré une étude assez importante, en fait. Et puis, ces chercheurs suisses ont trouvé que on a à peu près, en fait, 43 060 transnationales des compagnies qui existent dans le monde. Et puis, de ces 43 000 quelques transnationales, 147 seulement contrôlent plus de 40 % de toute la richesse globale, mondiale, totale. OK? C'est quand même assez incroyable de voir ça. Et maintenant, c'est pas juste des fabulations de conspirationnistes, mais on voit vraiment que l'économie est contrôlée par quelques petites corporations et quelques banquiers internationaux. Alors, le mouvement Occupy Wall Street avait vraiment raison qu'on parlait du 99% contre le 1%. On pourrait même dire le 99,9% contre le 0,1% de la planète. Donc, effectivement... Bon, des bonnes nouvelles, un auditeur me faisait une remarque la semaine passée. Ah, tu aurais parlé des bonnes nouvelles des fois. Écoutez, j'en ai pas tout le temps des bonnes nouvelles. C'est sûr que j'aimerais parler de bonnes nouvelles en longueur de semaine. Ce serait excellent. Il y en a effectivement des bonnes nouvelles, il y en a plusieurs. Mais c'est sûr que des fois, il faut se concentrer un peu sur ce qui est moins rose, mais qui est très important pour qu'en fait, les bonnes nouvelles après ça puissent naître. Mais quand même, en voici une bonne. En 2012, ça a été l'année internationale de la coopération, des coopératives en réalité. Et puis, les médias corporatifs ont à peine mentionné que les Nations Unies avaient déclaré 2012 comme étant l'année internationale des coopératives et qui était basée sur le modèle de business qui, en fait, est en croissance assez incroyable dans le monde. En fait, les Nations Unies ont trouvé qu'en 2012, plus d'un milliard de personnes à travers le monde étaient des membres propriétaires de coopératives, qu'en fait, un adulte sur cinq, au-dessus de l'âge de 15 ans, faisait partie de ce groupe. Alors, vous avez la plus grosse de ces coopératives qui se trouve en Espagne, qui s'appelle Mondragon, et qui regroupe plus de 80 000 membres propriétaires. Et puis on dit que selon les Nations Unies, on prédit que d'ici 2025, les coops qui vont être détenues par les travailleurs vont être le modèle en fait d'affaires qui va être en croissance le plus rapide. Donc voilà qui est quand même assez intéressant. Et puis voilà où est le futur. Une autre nouvelle, ici, on parle des crimes de l'OTAN en Libye. Très important ici, la BBC qui, en janvier 2012, avait révélé comment des forces spéciales de l'appareil britannique avaient joint et s'étaient fondues avec les rebelles libyens pour aider à renverser Muammar Kadhafi. Alors, évidemment, une histoire que les médias alternatifs, comme ici, vous avez rapporté depuis très longtemps. Et puis ici, ben, vous avez dans cette nouvelle qui a été fortement censurée dans les grands médias, l'OTAN qui avait admis d'ailleurs avoir bombardé une manufacture de tuyaux, en fait, des grands conduits qui étaient utilisés pour construire, en fait, et puis maintenir le système d'approvisionnement d'eau propre qui fournit plus de 70% des Libyens en eau potable. Alors, c'était une manufacture qui était située à Brega, dans la ville de Brega, en Libye. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on avait déstabilisé en partie le régime de Kadhafi. Et puis après ça, en vous montrant des scènes qui pouvaient être recrachées par les grands médias pour faire à croire que la population était contre son régime, M. Kadhafi, alors que ce n'était pas le cas du tout. Alors, évidemment, toute une fraude qui s'était produite en Libye, on a couvert en longueur quand même ce dossier. Ensuite, vous avez aussi tout le dossier de l'esclavage, des esclaves carrément dans les prisons aux États-Unis. Ça aussi, c'est assez important. On apprend que on a plusieurs prisons privées où on utilise les prisonniers comme travailleurs et qui sont payés seulement que 23 sous l'heure et exposés à des matériels toxiques sans aucun recours légal. Alors, ben oui, on assiste finalement au travail forcé, esclavage, dans les prisons américaines. Alors, c'est quand même assez important à savoir. Plusieurs nouvelles comme ça. On continue rapidement. Les forces américaines aussi qui se sont jointes, les forces américaines, on parle l'armée, là, qui se sont jointes à l'Al-Qaïda en Syrie. Alors, vous avez les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, et puis certains alliés arabes conservateurs qui se sont joints pour financer puis armer la rébellion syrienne qui a commencé en 2011. Et en fait, bon, on a trouvé que les États-Unis ont financé des groupes contre Bachar al-Assad depuis en fait le milieu des années 90 et que en fait les rangs anti-Assad incluent des membres d'Al-Qaïda, du Hamas et puis d'autres groupes que les États-Unis même listent comme étant des organisations terroristes. Et puis les États-Unis se sont joints à ces groupes terroristes pour essayer de déstabiliser le régime de Bachar al-Assad alors en Syrie. Donc vous voyez que finalement le pays qui participe et finance et arme les groupes terroristes ne sont pas tant les pays qu'on nous pointe tant dans les médias comme étant la Syrie ou la Libye ou ainsi de suite, mais bel et bien les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, hein? Donc, évidemment qu'on parle pas trop de ça dans les grands médias, hein? Ensuite, on continue avec des nouvelles comme ça ici. Une autre nouvelle, celle-là qui pointe au niveau 14, qui sont au top 1% de l'économie et puis de la pyramide financière, si on veut, et puis comment gagnent-ils leur argent? Et puis on apprend que les plus riches du 1% des États-Unis possèdent plus de 40% de la richesse et puis, rapportent dans leur compte en banque plus du quart de tout le revenu national des États-Unis. Quand même assez incroyable. Donc, on voit que les riches deviennent de plus en plus riches, comme on dit, les pauvres de plus en plus pauvres. Ensuite, on parle des dangers de la technologie de tous les jours. On parle particulièrement de ces fameuses radiations des téléphones cellulaires qui causent certains types de cancers, incluant la leucémie, qui puis porte atteinte, préjudice à la production des spermatozoïdes chez les hommes, et puis qui... Et finalement, ben, porte atteinte aussi à plusieurs fonctions comme le cerveau, et ainsi de suite. Donc, vous avez de plus en plus d'études, dont une très sérieuse que j'ai lue dernièrement qui parle qu'ici au Québec, en plus, on est une des populations, sinon la population où on est le plus exposé aux champs électromagnétiques, ainsi de suite, suite radiation de tours de téléphone cellulaire, ainsi de suite. Donc, écoutez, on a des standards beaucoup plus sévères en Europe, même aux États-Unis, qu'ici au Québec. Et puis ici, on nous laisse exposer à des taux de radiation, ainsi de suite, qui sont vraiment assez catastrophiques, là. On laisse des résidences se construire proches des lignes de haute tension d'Hydro-Québec, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un dossier, là, à s'informer et puis à être très conscient, là. Écoutez, les téléphones cellulaires, là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études, là, qui sortent l'une après l'autre, là, scientifiques, revues par les pairs, de quoi de plus sérieux, là, qui montrent les effets adverses, là, des téléphones cellulaires, chers auditeurs, des fours à micro-ondes, des lignes à haute tension, des téléphones portables à l'intérieur de la maison sans fil, toute la technologie Wi-Fi qui affecte les bébés, les enfants beaucoup plus qu'on le pense. Les gens vont dire, ah non, les gens, et tout le monde s'en fait avec tout, faut pas capoter. Chers auditeurs, c'est pas une question de capoter, c'est une question de voir la réalité telle qu'elle est, là. Donc, vous voyez, des nouvelles très intéressantes, très importantes, et puis qu'on a refusé de vous rapporter dans les grands médias corporatifs. Les étudiants qui, aux États-Unis, sont endettés de plus d'un trillion de dollars avec ces prêts étudiants, quand même assez important de comprendre cette tendance-là, parce que c'est ce qu'on veut un peu partout, incluant ici au Québec. Les étudiants qui ont refusé ça en 2012, la grande lutte étudiante, le gouvernement... Ça a été tout un sujet de l'actualité ici aussi, là. Un autre aussi, c'est ces femmes enceintes palestiniennes qui sont prisonnières et qui sont enchaînées durant qu'elles sont enceintes dans les prisons israéliennes. Alors, on leur dénie toute attention médicale, représentation légale, et puis qui sont forcées à vivre dans des conditions très pauvres, très, très... inhumaines, disons-le, et qui sont dénoncées par même des organisations comme les Nations Unies, ainsi de suite. Évidemment qu'on fait pas grand-chose pour régler la situation, on fait juste que chialer et puis décrire ces choses-là, mais pas grand-chose se passe pour les aider, finalement. Donc, quand même, hein, voyez plusieurs informations très importantes comme ça. La banque Wachovia aux États-Unis, très importante banque. Là, on apprend qu'en 2004 et 2007, la banque Wachovia a finalement financé, a dirigé plus de 378,4 milliards de dollars des maisons d'échange monétaire d'argent, en fait, mexicaines, qui finalement étaient dirigées, profitaient à des cartels de la drogue. Alors, quand même assez incroyable, là. Ce n'est pas exceptionnel. La Banque Wachovia, ce n'est qu'une parmi plusieurs banques européennes et américaines qui blanchissent et prête de l'argent à ces cartels de la drogue. Alors, un sujet très important qui persiste d'année en année, que les grands médias refusent de couvrir. Un autre qui a été beaucoup censuré, ça a été les fameux massacres d'Afghans qui ont été passés sous silence et couverts par les États-Unis. Alors, vous avez ce massacre en mars 2012 de 16 civils afghans, dont 9 étaient des enfants. Ont reçu une certaine couverture médiatique. Mais en fait, on se retrouve dans une situation où, écoutez, il y avait tout un débat là, où on disait que, bon, vous avez des sources indépendantes de nouvelles qui avaient mis le focus sur savoir si c'était un soldat seul qui avait agi, alors que les officiels américains avaient insisté que, en fait, les officiels américains avaient insisté qu'il n'y avait qu'un soldat qui avait agi seul, alors qu'en fait, il y avait plusieurs soldats, comme l'avaient rapporté des témoins afghans. Et puis, on a encore refusé d'admettre cette situation-là. Et puis, Obama se trouve derrière cette histoire-là aussi, hein, comme je vous disais. Donc, plusieurs nouvelles. Et puis, la dernière dont je vais vous parler, c'est en juin 2006, on avait appris que trois prisonniers à Guantanamo avaient été trouvés morts dans leur cellule. Et puis, ils étaient pendus après des draps ou, en fait, des trucs qu'on avait utilisés là, qui n'étaient pas conventionnels, là. Comme si ça avait été tout simplement des gens qui s'étaient suicidés. Là, on avait fait passer ces trois mortalités de prisonniers à Guantanamo comme étant des suicides, mais il se trouve que les services d'enquête criminelle les forces navales américaines ont trouvé des évidences qui étaient contraires à ça, en fait, avec la thèse du suicide, incluant le fait que les mains des prisonniers avaient été trouvées attachées derrière leur dos. Alors évidemment que ceci suggère que les prisonniers ne se sont pas suicidés, mais en fait sont morts d'interrogations létales, dangereuses, de torture qui incluaient ce qu'on appelle du dryboarding. Alors on avait parlé dans le passé de waterboarding, alors qu'on faisait de la torture avec de l'eau en donnant des sensations de suffocation, de noyade aux prisonniers pour les faire parler. Et puis là, ben, on a trouvé que finalement aussi on utilise d'autres techniques de torture qui utilisent la suffocation contrôlée, mais en fait pas si bien contrôlée que certains en sont morts. Alors voilà, c'est maintenant, c'est pas une nouvelle. Si vous suivez l'autre monde depuis quelques années, mais je veux dire de plus en plus. Ben en fait, c'est pas de plus en plus, là. Je veux dire, le gouvernement américain, même Obama, en parle quand même de façon plus ou moins ouverte, là. On a légalisé la torture, la pratique de la torture aux États-Unis. Bravo et bienvenue aux États-Unis. Eh bien, voilà, nous sommes rendus à la dernière partie de l'émission. Il nous reste à peu près 23 minutes. Alors, on va y aller avec les nouvelles de l'économie. Écoutez, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout passer, comme je vous parlais en introduction, mais écoutez, on va y aller avec ce qui est le plus important. Donc, bon, les nouvelles de l'économie. Quelques nouvelles ici, choc que j'ai trouvé cette semaine, les taux de chômage des gens qui sont sans emploi sont à un niveau record en 2013. Ça, on parle des chiffres là, ici à travers la planète, OK? C'est des études qu'on a faites là, et puis on a trouvé que le nombre de travailleurs qui sont sans emploi à travers la planète a augmenté jusqu'à en fait de 28 millions de personnes en 5 ans depuis la crise financière là, qui a commencé il y a quelques années, et puis laissant donc 187 millions de personnes à travers la planète sans travail juste l'année passée, selon un nouveau rapport. Donc, je vous laisse découvrir le reste de la nouvelle. Ensuite, bon, des centaines de personnes qui ont tenu des manifestations à Athènes pour dire non en faire dire non à la privatisation des banques d'État. Alors, c'est évidemment la coalition grecque, en fait, du gouvernement qui a initialement annoncé des plans de vendre des banques nationales comme la HPB au mois de septembre passé. Et puis, ben écoutez, on s'oppose évidemment à ça. Effectivement, on voit là le plan des grands banquiers internationaux privés, c'est avec leur système qui ont en fait réussi, si vous voulez, à mettre en place, à remplacer avant nos États. En fait, nos États devraient imprimer, créer sa monnaie par lui-même sans intérêt, alors que maintenant les banques internationaux ont réussi à prendre possession de ce système et tout simplement imprimer de l'argent, nous créer de l'argent et nous la prêter comme étant une dette avec intérêt. Alors, vous voyez qu'il est complètement débile, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Et puis, ben évidemment que le plan est de tout privatiser, effectivement, jusqu'aux banques d'État. Alors, il faut évidemment s'opposer à ça. Ensuite, une charte assez importante ici à voir, un tableau, un graphique qui montre la réelle inflation qui se situe plutôt autour de 10%. Alors ça, c'est aux États-Unis que ça concerne, mais c'est évidemment un phénomène qui a des répercussions sur l'économie globale, étant donné que bon, on connaît l'impact de l'économie américaine et du dollar américain dans le monde. Alors ça ici, c'est évidemment l'inflation. On voit dans ce tableau-là l'inflation officielle comparée aux informations réelles qui sont basées là, sur la réalité et non ce que les médias et le gouvernement voudraient nous faire croire. Alors écoutez, ici on voit que la charte, en fait le graphique a été mise à jour et puis inclut les données financières pour le mois de décembre et montre en réalité que le vrai CPI se trouve juste sous la barre des 10%. Alors imaginez, là, c'est quand même assez important. Donc le CPI, en fait, suit ce qu'on appelle les Alternate Data Series et puis reflète le CPI qui est calculé selon les méthodologies qui étaient en place dans les années 80. Et puis en termes généraux, la méthodologie a changé. En fait, le gouvernement a changé de méthodologie pour calculer cette inflation. Et puis maintenant, on se base sur des concepts, en fait, qui ne reflètent pas la réalité, vous comprenez? Donc, très important. Ensuite, vous avez les banques américaines qui sont finalement secouées, si vous voulez. En ce moment, c'est une nouvelle qui a été publiée la semaine passée, là, très important. Les banques américaines qui sont secouées par un retrait des dépôts. Des plus importants depuis, en fait, le 11 septembre 2011. Alors, évidemment que ça avait créé une panique à ce moment-là, puis les gens s'étaient précipités à la banque pour retirer leurs dépôts bancaires, leur argent qu'ils déposent à la banque. Et puis, ce qu'on appelle un peu un run bank, là, j'en parlais, un bank run, excusez-moi. J'en parlais un peu dans les émissions précédentes, là. Évidemment qu'il va arriver à un moment donné, comme ça s'est déjà produit un peu à peu, en fait, les dernières années, un peu en Europe, en France, en Grèce, ça s'est produit aussi en Grande-Bretagne, où les gens, à un moment donné, perdent confiance dans le système monétaire, perdent confiance en les banques, perdent confiance en l'économie, la force de leur monnaie, ainsi de suite, et puis se précipitent à la banque pour retirer leurs épargnes, parce qu'ils ont peur de ne plus leur avoir, étant donné que on sait très bien que les banques ne possèdent pas assez d'argent pour rembourser tous les épargnants s'ils vont en même temps retirer leur argent. C'est une grande vérité que, un coup que ça commence à prendre forme dans l'esprit des gens, là, ça devient un peu problématique pour les grandes banques. Alors, on s'aperçoit ici dans cette nouvelle que la Fed américaine rapporte en fait des retraits d'épargne comme ça majeurs depuis, en fait, de leur banque, leur compte de banque, et puis que, en fait, le système financier n'a pas vu de retrait massif d'argent comme ça depuis les attaques du 11 septembre 2011. Alors, il se trouve que durant la première semaine du mois de janvier 2013, on a vu plus de 114 milliards de dollars être retirés des banques, en fait, des 25 des plus grandes banques américaines. Et puis, ce qui a évidemment fait en sorte que les épargnes sont descendues à 5,37 trillions de dollars selon les analystes de la Fed. Alors, écoutez, il se trouve que de plus en plus les gens et puis les corporations et ainsi de suite réalisent que l'argent n'est plus réellement en sécurité dans les banques américaines pour un paquet de raisons plus ou moins complexes et qui fait qu'en réalité, on risque de se retrouver dans un problème financier assez important en 2013. Là. Donc, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un paquet de fraudes aussi qui se passe. Là, vous allez voir des nouvelles importantes dans cet article-là où on apprend que vous avez des gens bon, comme le chef là, des échanges commerciaux de la Sentinel Management Group, des groupes assez importants là, où on apprend que des gens ont été rendus coupables pour avoir volé plus de 500 millions de dollars de leurs clients qui avaient des fonds comme ça sécurisés dans leur groupe. Et puis, vous avez toutes sortes de nouvelles comme ça qui sont qui sont sortis, qui montraient à quel point que justement les banques se foutaient carrément des fonds, de l'argent, des épargnes de leurs clients, et puis l'ont collatérisé avec des obligations de dette, d'autres produits financiers très malsains, et ainsi de suite. Et puis finalement, il se retrouve que finalement on saisit l'argent des gens, et puis on part avec en courant. Fait que de plus en plus ces scandales de très grande échelle éclatent aux États-Unis un peu partout, bien évidemment que les gens deviennent de moins en moins en confiance par rapport à leur sécurité de l'argent déposé dans ces comptes. Alors voilà. Et si vous avez Goldman Sachs qui a fait plus de 400 millions de dollars en 2012 en misant sur la hausse des prix de la nourriture, alors que des millions de personnes mouraient de faim carrément dans le monde. Alors c'est quand même assez incroyable. Donc, vous avez à peu près 1 million de personnes dans le monde qui ne mangent pas suffisamment chaque jour, alors que Goldman Sachs, cette grande banque américaine, les fameux grands banquiers privés, eux autres, ramassaient des gros bonus d'argent alors qu'ils misaient sur les prix de la nourriture. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mon correspondant français ici qui m'a envoyé une nouvelle et qui avait publié d'ailleurs sur différents sites internet, dont Alter Info, j'ai vu ça, où on parle de cette information dont je parlais la semaine passée, là, de la Banque centrale d'Allemagne qui veut rapatrier son or de la France et puis de la Fed aux États-Unis. Et puis, il me disait cette semaine que pour l'or allemand, il semble que ce soit 7 ans pour la France et l'Allemagne avant que cet or retourne en Allemagne. Et ça vient du rapport du patron de la Bouba. Et puis, Stéphane Poutois, qui est mon correspondant français, a laissé le lien ici, la page 17, là, c'est en allemand, mais on voit très bien là, dans le texte là, que effectivement, on voit les projections, que le retour de l'or qui a été demandé par la banque allemande en provenance, en fait, parce qu'elle a déposé et gardait une partie de son or dans les banques en France et puis aux États-Unis, entre autres. Et puis, on a décidé de rapatrier cet or, en tout cas une partie de cet or, la totalité de l'or détenu par la France et puis une certaine fraction de l'or détenu par la Fed aux États-Unis pour la rapatrier en Allemagne. Et puis, l'Allemagne s'est fait dire qu'elle ne pourra pas ravoir son or avant une période de 7 ans, que ça va prendre 7 ans avant de la rembourser, ce qui me menait à cet exposé la semaine passée, qui vous expliquait dans le fond qu'on n'avait pas cet or, que là on ne l'avait pas, on ne pouvait pas la retourner, donc il fallait la voler et la trouver quelque part. Donc c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au Mali pour la trouver, hein? Donc vous avez un autre article ici qui a été publié le 21 janvier par Washington Blog, les vraies raisons pourquoi l'Allemagne demande à ce que son or lui soit retourné des États-Unis. Alors, c'est 300 tonnes d'or que l'Allemagne redemande des États-Unis, puis 374 tonnes de la France, si mes chiffres sont bons. Alors, vous avez un article ici qui parle des vraies raisons derrière ceci. Alors, il y a évidemment toutes sortes de raisons, des pressions politiques aussi. Mais bon, écoutez, une des choses est très importante à comprendre et puis sont écrites dans cet article. Alors, c'est qu'évidemment, il y a une perte de confiance. On veut avoir son or. C'est pas seulement que l'Allemagne qui demande ceci. Vous avez la Roumanie qui a demandé depuis plusieurs années que la Russie lui retourne son or. L'année passée, vous avez le Venezuela qui avait demandé qu'on lui retourne ses 90 tonnes d'or qui étaient détenues dans les voûtes de la Banque d'Angleterre. Et puis, vous avez d'ailleurs aussi le gouvernement de l'Équateur qui veut que les banques de la nation rapatrient à peu près le tiers de toute... de possession d'or qui est détenu à l'étranger pour supporter sa croissance nationale. Donc, vous voyez, c'est vraiment une tendance mondiale. Là, c'est pas des histoires là, à vous faire peur. Là, vous avez 4 membres aussi du Parlement suisse qui veut que la Suisse redemande son or aussi à travers la planète. Vous avez les Pays-Bas aussi qui ont demandé à ce que leur or soit rapatrié. Vous avez le Forbes qui avait noté que l'Iran puis la Libye avaient récemment aussi rapatrié leur or. Alors quand même, vous voyez, c'est pas un phénomène isolé là, c'est vraiment un genre de pré-panique mondiale, pré-crise mondiale, pré-effondrement. Ça fait plusieurs ou mois que je vous en parlais, on se dirige vers un autre grand crash mondial. Et puis, quand on voit les grandes banques centrales de plusieurs pays comme ça se préparer, on demande pas de rapatrier l'or pour rien, là, chers auditeurs. Là. C'est pas parce que ces grandes banques centrales-là avaient rien à faire là, cette année. Fait qu'on se dit, tiens, on va rapatrier nos lingots d'or, mais on va les faire polir un peu, hein, tu sais, on va les nettoyer, puis on va les licher un peu, puis on prend des photos avec nos grands sourires. C'est super beau, tu sais, on fait des belles photos de famille comme ça. Non, non, chers auditeurs, c'est parce que si les banques centrales de plusieurs pays du monde redemandent leur possession d'or, c'est parce que on sait qu'il va y avoir un très grave problème avec l'argent de papier basé sur la dette qui circule dans la plupart de nos pays dits modernes, avancés, développés, industrialisés. Alors, on se dirige vers tout un choc financier, puis les grandes banques centrales des pays, de nations entières, se préparent à ce choc. Discrètement, sans trop en parler, parce que évidemment que vous savez que c'est un effet domino. Si on essaie de faire ces choses-là discrètement, sans trop énerver les gens, c'est qu'on sait que si on crée une panique, eh bien, qu'on n'a pas le temps de rapatrier cet or avant que l'argent qu'on est en train de dévaluer de façon catastrophique avec cette création d'argent, c'est ce qu'on appelle ces assouplissements financiers qu'on fait à travers plusieurs nations du monde, dont aux États-Unis, partout dans nos pays, là, au Canada, en France, en Angleterre, partout. On s'aperçoit que ça va dévaluer, ça crée de l'inflation énormément parce que ça dévalue la valeur de l'argent. L'argent ne vaut plus rien, n'a plus de pouvoir d'achat. Alors les gens, évidemment, se tournent vers des valeurs sûres, dont les métaux précieux. Et puis, ce sont les banques centrales qui sont en train de récupérer ces dépôts d'or. Alors, c'est peut-être une tendance importante à noter, chers auditeurs, parce que si plusieurs banques centrales cherchent à rentrer en position physique de leurs métaux précieux, peut-être que ce serait de quoi que vous devriez faire aussi, hein? Peut-être penser à ça 2 secondes. Alors, quand même assez important. Donc, les banques centrales à travers le monde ont acheté plus, justement, de ces pièces de métaux précieux l'année dernière en termes de tonnage que n'importe quel moment depuis la moitié du dernier centenaire, imaginez. On n'a pas acheté, les banques centrales à travers le monde n'ont pas acheté autant d'or en termes de tonnage depuis 50 ans. Alors imaginez, là, c'est pas de quoi d'anodin, là. OK? On parle de plus de 536 tonnes qui ont été ajoutées en 2012, alors qu'ils ont diversifié leurs réserves en s'éloignant de 4 monnaies suspectes qui ne valent plus ou moins rien, en fait, basées sur la dette qui sont en train de tomber. On parle ici du dollar américain, de l'euro, du sterling et puis du yen. Alors, vous avez une forte tendance ici là, à aller voir. Donc, un article assez incroyable à aller lire, à comprendre, pour savoir où on se dirige. OK? Donc voilà. Alors, on va continuer. Vous allez voir plusieurs nouvelles comme ça là, qui vont parler de ça. Et puis, on parle ici de guerre de monnaie. Alors, c'est évidemment toute cette rapatriation d'or, de métaux précieux, est sans aucun doute reliée évidemment aux monnaies. Donc, vous avez plusieurs officiels à la Bundesbank en Allemagne, comme le note le Forbes, qui admettent finalement que cette rapatriation de l'or est finalement un cas de prévention dans le cas d'une crise des monnaies qui pourrait frapper l'Union monétaire européenne. La Bundesbank a déclaré à travers une de ses porte-paroles qu'il n'avait aucune intention de vendre cet or. Donc, c'est en fait en train de se préparer du côté de l'Allemagne. Cette demande pour cet or fait partie d'une guerre des monnaies. Donc, très important à aller voir. Vous avez la Chine qui tranquillement est en train de devenir une superpuissance au niveau de l'or. Et puis, ça fait quand même un bon moment que il y a des rumeurs qui courent que la Chine est en train de se convertir, en fait, de convertir le yuan vers une monnaie basée sur l'or. La Chine a acheté des centaines et des centaines d'or ces dernières années. Donc, il y a évidemment de fortes raisons de croire que ce ne sont pas que des rumeurs. Donc, voilà. C'est très important de voir ça avec des yeux réalistes quand on voit plusieurs banques centrales qui sont en train de faire le même move. Donc, un article très important, vous avez le Pacific Group, qui est un groupe très important, là, qui a été formé par des traders comme Payne Webber, Incorporé, qui sont en train de convertir plus du tiers de leur, ce qu'on appelle des hedge funds, alors des produits financiers, là, sur le marché des produits dérivés, des hedge funds qui sont en train de convertir plus du tiers de leur avoir en or physique. Alors, eux autres sont en train de miser sur le fait que les prix vont aller en augmentant alors que les gouvernements sont en train d'imprimer de plus en plus d'argent pour essayer de payer leurs dettes. Alors, on monétise la dette. Alors, évidemment que c'est aussi relié probablement au plus, en fait, aussi au fait que plusieurs nations, dont l'Allemagne, est en train de demander leur or de la Fed de New York. Et puis que, évidemment, que cet événement va évidemment déclencher probablement une course à l'or, si on veut. Et puis étant donné qu'il y en a très peu, et puis qu'on a vendu, comme je vous disais, dans plusieurs émissions dans le passé, qui est révélé par des gens qui sont hautement crédibles, travaillés pour la GATA, et qui sont venus témoigner devant les commissions américaines du gouvernement, et qui révélaient avec des informations et des preuves très convaincantes qu'on avait vendu à peu près de 50 à 100 fois plus d'or et d'argent qu'il n'en existe réellement. Alors imaginez quand ceci va apparaître très clairement alors que les banques centrales sont en train de redemander leur or et puis que les supposés dépôts ne sont pas là. Ben oui, on a vendu 50 à 100 fois plus d'or qu'il en existe réellement. Alors imaginez aussi que les prix des métaux précieux vont aller. Pensez-vous qu'ils vont descendre? Pensez pas que c'est peut-être pour ça que les banques centrales puis des grands groupes de hedge funds, des grands groupes financiers qui gèrent des millions et sinon des millions de dollars sont en train de diversifier leurs fonds, le tiers de leurs fonds vers les métaux précieux. Pensez pas que c'est quand même assez révélateur. Vous avez des banques centrales qui, de façon internationale, à partir de l'Irlande jusqu'à l'Allemagne et maintenant même la Suède, sont forcés de répondre à des questions légitimes à propos de leurs réserves d'or par leurs citoyens. OK? Donc, voilà. C'est ici le Pacific Group Limited dont je parlais. Eux autres, ils gèrent plus de 100 millions de. Plus de 100 millions de dollars, en fait, d'avoir. Et puis, eux autres, ils croient que l'or va continuer de monter de prix alors que les gouvernements vont continuer d'imprimer, de faire des assouplissements financiers, hein, d'imprimer de l'argent pour payer leurs dettes. Ça a été rapporté par Bloomberg, un média très important aux États-Unis. Vous avez la grosse HSBC, la HSBC, qui a elle aussi, de façon très tranquillement, sans trop faire de vagues, a acquéri de très importantes quantités de monnaie d'argent. Alors, ça aussi, c'est des trucs très révélateurs. Depuis les 12 derniers mois, vous avez la KGHM qui a acheté plus de 876 millions de dollars d'or. Alors, c'est quand même assez important. C'est quoi la KGHM? C'est en fait une des compagnies, un des plus larges, importants producteurs d'argent. On parle d'argent physique, là, de métaux précieux dans le monde. Et puis, c'est en fait le second plus important producteur d'argent raffiné dans le monde. Donc, voilà. Donc, on essaye de rapatrier cet argent-là. C'est une avalanche qui est en train de gagner du momentum. Vous avez même l'Azerbaïdjan qui a retiré tout son or de JP Morgan, des voûtes de JP Morgan. C'est important, là, plusieurs nations, vous voyez. pendant ce temps-là, ben, vous avez le CEO de JP Morgan qui a déclaré, lui, que vous n'avez pas besoin de savoir comment les banques fonctionnent. En fait, que c'est comme un peu un avion, un réacteur d'avion. C'est trop compliqué, trop complexe pour expliquer. Vous avez juste à vous fermer la gueule puis les payer pour gérer votre argent. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est une vidéo même à l'appui que je laisse. C'est Jamie Dimon qui... au sommet de Davos, en fait à Davos en Suisse, a expliqué pourquoi les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde bancaire, que c'est juste trop compliqué, trop complexe, hein, ils ont juste besoin de savoir comment payer leurs frais bancaires et puis de laisser le reste à leur institution financière pour la gestion de leur avoir financier, hein, que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Est-ce que vous vous sentez meilleur? Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Hein? C'est pas absolument incroyable d'avoir des gens comme ça qui vous parlent directement dans les yeux, qui vous disent comme les choses telles qu'elles sont. Hein? C'est fantastique, ça. Hein? C'est un peu comme si le monde bancaire moderne était un peu une religion, finalement. Hein? C'est pas vraiment une science, c'est une religion. Il faut passer par les grands prophètes financiers pour finalement faire gérer nos pays entiers, nos monnaies, nos banques, ainsi de suite. Incroyable. C'est vraiment spécial. Bon, on arrive vers la fin de l'émission, chers auditeurs. J'avais quelques nouvelles du Moyen-Orient importantes. On va y aller en rafale. La France qui a envoyé plusieurs troupes pour sécuriser des mines d'uranium au Nigeria. Assez capoté. 2 semaines à peine après avoir envahi le Mali avec plus de 2000 troupes. Vous avez la France qui a maintenant envoyé des forces spéciales, des troupes dans le pays avoisinant, donc le Nigeria, pour sécuriser des mines d'uranium qui sont gérées par la compagnie Areva, la compagnie nucléaire Areva. Alors, c'est une intervention militaire encore là française dans le nord de l'Afrique et puis qui a été rapportée par le magazine Le Point, confirmée par des sources militaires, contactées par différentes sections des médias français aussi. Et puis, vous avez, écoutez, c'est Le Point qui a rapporté que le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, a maintenant aussi admis qu'on a... écoutez, c'est une innovation majeure, hein, parce qu'ils ont ordonné les forces de commande spéciale d'envoyer des troupes là-bas pour protéger la production, le site de production d'uranium d'Areva à Imouraren, qui est 80 km et qui est à 80 km de Arlit. Alors, c'est quand même assez incroyable. On dit que le magazine a noté que c'est la première fois que des commandos français sont envoyés directement pour défendre les possessions d'une corporation. Hein? Donc, voilà. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une protection militaire pour protéger des avoirs corporatifs dans les pays étrangers. Hein? Bon, ça, c'est vraiment fantastique, ça. Alors, c'est bravo, bravo, bravo. C'est une avancée humanitaire importante. Ensuite, vous avez eu cette histoire aussi d'importante explosion. En tout cas, c'est rien de... c'est spécial. En tout cas, on va terminer avec ça, là, mais on va y revenir un peu la semaine prochaine. Importante explosion, supposément, encore pas rapportée de façon officielle, en tout cas confirmée par l'Iran. Vous avez le Yediot Aharonot qui en a rapporté, c'est un média israélien qui a rapporté que on aurait eu une explosion importante dans une installation d'enrichissement d'uranium, donc une installation nucléaire civile iranienne sous le sol, souterraine, et puis que ceci aurait en fait démoli essentiellement toute la station-là et qu'il y aurait même plusieurs dizaines de travailleurs iraniens qui y seraient enfermés à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de confirmé. Alors, il y a toutes les questions ici à se poser, à savoir si c'est un acte de sabotage israélien ou américain ou une attaque officielle, dans le fond, ou officieuse israélienne en sol iranien pour les provoquer ou ainsi de suite. Alors, évidemment que l'Internet a rapporté toutes sortes de nouvelles par rapport à cette explosion dans cette centrale d'enrichissement d'uranium qui est située à Fordo, en Iran. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune évidence pour supporter cette histoire-là. Il n'y a aucune source de confiance pour corroborer quoi que ce soit. Et puis, il n'y a aucune, si vous voulez, annonce officielle, si vous voulez, du gouvernement iranien par rapport à ça. Donc, je vous laisse quand même plusieurs nouvelles par rapport à ça. Ça fait quand même plusieurs mois que je vous parle qu'on essaye de déclencher cette guerre contre l'Iran. Israël qui veut attaquer l'Iran, les États-Unis qui veulent participer à ça. Israël qui a menacé aussi la Syrie d'attaques si les rebelles mettaient la main sur des armes chimiques, alors qu'on sait que les mercenaires qui sont employés, qui sont payés par Israël et puis les États-Unis qui sont en Syrie en ce moment, eux ont des armes chimiques, ok? Donc, je répète, vous avez des mercenaires qui sont payés, qui se trouvent en Syrie, qui sont payés, soutenus par les pays occidentaux. On parle aussi de la Grande-Bretagne, de la France. Écoutez, il faut le dire ouvertement, là. Et puis, ces gens-là possèdent des armes chimiques, ok? Donc, Israël est juste là pour essayer de faire en sorte que le conflit prenne de l'ampleur, si vous voulez. Hein, pour déjà distraire le monde des crimes qu'ils ont commis encore à l'automne passé en Palestine, au mois de novembre, je ne me trompe pas. Et puis en même temps, ben, vous savez que la Syrie possède un pacte de défense mutuelle militaire avec l'Iran. Puis d'ailleurs, ben, vous avez un peu un nono, mais en tout cas, vous avez un officiel iranien comme ça qui a déclaré qu'une attaque sur la Syrie serait vue comme ou considérée comme une attaque contre l'Iran. Alors c'est un peu sans dessein de dire ça parce qu'évidemment que ça donne juste toutes les raisons à Israël d'attaquer la Syrie parce que, évidemment, que l'Iran va venir à sa défense et puis à ce moment-là, ça va justifier d'attaquer l'Iran de plein fouet. Alors, il n'y a pas aucune bonne nouvelle à savoir que l'Iran pourrait être attaqué, que des sites nucléaires pourraient être attaqués, répandre encore plus de déchets radioactifs dans l'atmosphère partout à travers le Moyen-Orient, à travers la planète, et puis aussi de faire en sorte que le baril de pétrole passe à 300$, et puis que finalement notre nourriture nous coûte 3 fois plus cher dans les épiceries. Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça, ou que votre prix du pétrole pourrait doubler ou tripler suite à une attaque surprise contre l'Iran de la part d'Israël ou des États-Unis. Alors, vous avez Ehud Barak, lui, qui dit que les États-Unis planifient des attaques chirurgicales si les sanctions contre l'Iran ne fonctionnent pas. Alors, voyons, tout en train de préparer le terrain là pour vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors que des reporters israéliens ont admis avoir effacé ou essayé de garder caché des photos, des images de civils, des piles de corps morts de civils, alors qu'Israël est devenu complètement malade dans la bande de Gaza. Alors, vous savez, cette attaque sauvage qu'ils ont faite sur la bande de Gaza, encore là, pour supposément répliquer à des attaques de roquettes, là, alors qu'on sait que plusieurs de ces roquettes-là sont envoyées par des gens, des supposés terroristes qui sont finalement supportés et financés par les services secrets israéliens, hein? Donc, vous savez, ce journaliste, lui, qui dit qu'il est rentré en possession de matériel assez choquant, le genre de matériel qui vous enverrait chez le psychologue, mais qu'ils n'ont jamais montré ces images-là. Des enfants qui ont été tués, des piles de corps de civils qui sont rentrés en possession de journalistes, et puis qu'on a finalement gardé à l'écart des grands médias pour ne pas montrer que, finalement, pour ne pas projeter dans l'esprit des gens l'idée qu'Israël est allé délibérément complètement folle. Alors, des images, vous avez des témoignages, toutes sortes d'affaires comme ça qui montrent que plusieurs personnes ont été tuées là-bas de façon complètement gratuite et violente et très, très agressive. Donc, voyez quand même là le type de nouvelles là, qu'on fait affaire avec là, donc c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez la Grande-Bretagne qui a envoyé des avions d'espionnage du SAS ainsi, des drones, des forces spéciales au Mali pour trouver puis démonter des réseaux de l'Al-Qaïda, alors qui se trouveraient supposément le massacre là, en fait les meurtres en Algérie. Donc, tout le monde participe à ce beau party de la mort. Alors, c'est vraiment fantastique. L'Al-Qaïda aussi, qui est utilisé, la menace d'Al-Qaïda qui est utilisée par l'OTAN comme écran de fumée pour la recolonisation de l'Afrique du Nord. Alors, un autre article fort important ici qui parle de ça. Vous avez plusieurs pays occidentaux qui ont offert à la France des forces pour finalement appuyer les 2500 soldats la semaine prochaine comme aide au Mali. Vous avez la Grande-Bretagne qui lui porte assistance avec avec de l'assistance aérienne logistique, alors que les États-Unis, eux autres, fournissent de la surveillance, des informations de surveillance, ainsi que bon, toutes sortes d'autres pays comme le Canada, ainsi de suite, là, qui participent à cette orgie de la mort et de répandre du sang un peu partout pour finalement mettre la main sur finalement les ressources naturelles du Mali et puis des pays avoisinants. Hein? Donc, c'est quand même à peu près ce qui est en train de se passer, hein, grosso modo, là. Donc, et puis on s'aperçoit que finalement, c'est pas depuis juste quelques semaines qu'on est là, mais vous avez même le premier ministre ici là, qui parle qu'on lutte contre supposément le terrorisme islamiste dans l'Afrique du Nord depuis la dernière décennie. Alors, vous voyez, là, c'est pas depuis hier qu'on se trouve là. Ça fait longtemps qu'on déstabilise ces pays-là pour essayer de contrôler les richesses et puis tout ce qui s'y trouve. Alors, c'est bon, le premier ministre, en fait, c'est un ministre anglais, là, David Cameron, là, qui déclare ceci. Alors, lui, il dit que d'ailleurs, on devrait continuer encore pendant des années à lutter contre le terrorisme dans ce pays-là. Évidemment, ça veut dire qu'on se donne le droit d'occuper ces pays-là, de les contrôler. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, là. Pendant ce temps-là, ben, la France a imposé un blackout sur les médias par rapport à la guerre au Mali. Alors, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, on contrôle l'information pour pas que vous sachiez la vérité. Donc, bienvenue à l'autre monde. Bienvenue à l'autre monde. Donc c'est ça qui se passe. C'est pas plus compliqué là. Vous savez ces fameuses attaques là de l'Al-Qaïda en Algérie, les terroristes qui ont attaqué là-bas, qui a résulté en la mort de 3 Américains puis de 34 autres otages. Eh ben, il se trouve que maintenant on trouve des informations que ces attaques de l'Al-Qaïda ont été perpétrés par des gens qui incluaient des Canadiens, Français, et puis même un agent du Mossad. Et puis, c'est quand même assez particulier de voir que finalement, ces gens-là, supposés de l'Al-Qaïda, ont des passeports de nos pays. Quand même assez particulier, n'est-ce pas? Est-ce que ces gens-là sont des agents du Mossad, comme ils sont habitués d'avoir des passeports canadiens volés? Est-ce des Canadiens, est-ce des Français, on ne sait pas, mais finalement, l'Al-Qaïda, c'est pas ceux qu'on pense qu'ils sont, n'est-ce pas? Donc, qui étaient ces fameux GID? Ben, on trouve que derrière ces forces algériennes, on trouve deux Canadiens, et puis au moins un Français, et puis on se pose des questions par rapport à ça, là, n'est-ce pas? Et comme je vous disais, le Mossad a une longue histoire d'utiliser des passeports canadiens pour se couvrir. Alors, quand même. Est-ce que l'Occident était impliqué dans ces attaques en Algérie? Puis comment? Bien, vous avez des informations que je vous laisse ici là pour vous, parce que justement, on doit élucider ce qui se trouve derrière ou utiliser ces prétextes-là pour envahir ces pays-là puis décimer les populations locales. Hein? Comme les États-Unis le font très bien avec leurs assassinats avec leurs drones, alors qu'ils ont tué encore 50 personnes dans le nord-est de l'Afghanistan. 5 civils qui sont morts, qui ont été tués par ces fameux drones sous la supervision de Barack Obama, le grand sauveur de la planète. N'est-ce pas? Alors, une autre nouvelle ici qui montre qu'une autre de ces attaques avec drones américains ont tué 14 personnes encore dans l'est de l'Afghanistan. Alors, on continue comme ça de tuer des personnes innocentes. Hein? Quand même assez incroyable. Donc, voilà. Donc, voilà. On va continuer la semaine prochaine avec plus de nouvelles. On va toucher un peu plus à l'Irak cette fois-là. On va aussi toucher à des nouvelles un peu du pétrole. On a trouvé des réserves de pétrole un peu partout. Parler un peu d'Israël. Parler, quand je parlais d'OGM et puis un peu de santé, ainsi de suite, des antidépresseurs. Et un peu de aussi ce qu'on parlait là, de cette venue de l'État policier aux États-Unis. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. On en a assez là, cette semaine pour compléter. Alors, moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, ben, ne manquez pas d'aller voir sur les nouvelles internationales, les 7 du Québec, allez voir sur la chaîne YouTube de l'Autre Monde et évidemment sur la page de Choc FM, toutes les informations nécessaires, les archives. S'il vous plaît, diffusez les liens. Allez-y gaiement. Avec le travail de Stéphane Poutois sur la chaîne YouTube, vous pouvez prendre les codes des émissions qui sont sectionnées aussi par thème et puis les partager partout où vous voulez, s'il vous plaît. Faites-le, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Faites circuler l'information, soyez les médias. Alors voilà, c'était François Marginat pour L'Autre Monde. Moi, je vous salue bien bas. Faites attention à vous autres. Je vous aime et on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.